C'était jour jeudi, après-midi. Moi t'es sans distraction, moi t'es senti comme sans position. Moi gagné un bon zombie, qui remarquait sa consolation. Il fait une proposition, pour mal assister, répétition. Il fait une proposition, pour mal assister, répétition. Va laisser le monter, bien, bien. Va À la bambouillon, à la bambouillon, Siri bon, dis bon, dis bon.